Quoi? Dieu n'est pas gratis. Quoi? Prêtre, le martyr, le saint, l'ange ne veut de sa boîte sortir que pour de l'or. Sinon, vous refermez l'armoire sur le ciel, sur la Vierge sa robe de moire, et sur l'enfant Jésus, rose et couleur de chair. Quoi? Votre crucifix coûte plus ou moins cher selon qu'il va devant ou qu'il marche derrière. Prêtre, vous mesurez au cercueil la prière. Longue, si le cadavre est grand. Courte, s'il n'est qu'un méchant pauvre mort, le prêtre s'y connaît. Cloué dans une bière étroite et misérable. Prêtre, le hêtre au champ, l'aune, l'ormeau, l'érable, verse l'ombre pour rien. Mais ne dis pas au pré, les fleurs c'est tant, voyez mon tarif, vous paierez tant pour la violette et tant pour la lavande.